طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui on continue notre dars et on est à la fin de l'imam de l'Yom al-Akhir, le dernier point. Et là, le chef il parle maintenant de Al-Hawd, hein, c'est-à-dire le bassin qui est préparé pour les mu'minins au jugement dernier, duquel vont boire les croyants. Le chef il dit, قال الحافظ السيوطي ورد ذكر الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيا منهم الخلفاء الراشد منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين انتهى. Donc le chef Al-Fawzan il mentionne les paroles de l'imam Al-Suyuti qui dit que la question du bassin ou Al-Hawd a été mentionnée dans plus que une cinquantaine de narrations de différents sahabis et parmi eux les quatre khulafa ar-rashidoun. Ça va? C'est pas confortable. Oui. Wa hafaz al-sahaba, c'est-à-dire les sahaba qui sont parmi les plus grands, parmi les sahaba qui mémorisent le plus de hadiths et qui ont rapporté le plus de hadiths. وغيرهم beaucoup d'autres parmi les autres des sahaba en général car le prophète salut tous. Après le chef, ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Suyuti. Après il dit وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض لمسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'est dans un hadith rapporté par l'imaman al-shaytan, c'est-à-dire al-Bukhari et al-Muslim, et c'est un hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, et dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin est de la longueur d'un mois, c'est-à-dire la distance d'un mois. Mais son eau est plus, son liquide, son breuvage est plus blanc que le lait, et son odeur est meilleure que le lait. Et ses verres, les contenants dans lesquels on boit ce breuvage-là, ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui en boit, il n'aura plus à le faire. Il n'aura plus qu'à le faire. Et rapporté un autre hadith, le chef dit, « روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير، وترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم أو يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي أو يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. معنى يختلج يطرد عن ورود الحوض. نعم، donc ce hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, dans lequel il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, on m'a révélé un verset plutôt et il a lu بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. Nous avons certes donné un kawthar. Jusqu'à la fin du verset, il l'a mentionné au complet, il l'a récité au complet. Puis après, il a dit, est-ce que vous savez ce qu'est Al-Kawthar? Alors les Sahaba ont dit, Allah et son messager sont plus connaissants. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une rivière, ou c'est un bassin. Il y a dans l'autre hadith, c'est un bassin, mais ici, il dit, c'est une rivière que mon Seigneur m'a donné dans le paradis. Et il y a beaucoup de biens. Et ma umma va y venir au jugement dernier. Son breuvage ou ses contenants sont de la aussi nombreuses que les étoiles. Et parmi mes serviteurs, il y en a qui vont être repoussés, c'est-à-dire ils vont pas être permis d'approcher au Haoud. Alors je vais dire, oh mon Seigneur, il fait partie de ma umma. Alors je vais dire, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, tu ne sais pas ce qu'il a innové après toi. Hein? Alors, ça c'est la signification de ce hadith. C'est-à-dire que parmi les musulmans, il y en a qui vont être repoussés du haoud. Ils ne pourront pas boire du haoud. C'est ceux qui ont innové des choses ou qui ont fait des certains péchés ou des choses de ce genre. Comme l'imam al-Qurtubi va l'expliquer. Il dit, وقال al-Qurtubi, قال علماؤنا كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المتردين عن الحوض وأشدهم طردا من من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم فهؤلاء كلهم مبدلون وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله والمعلمون بكبائر الذنوب والمستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع ثم الطرد قد يكون في حال ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد انتهى. Donc l'imam al-Qurtubi il explique et il dit que nos ulama ont dit toute personne qui a rejeté la religion d'Allah, hein, qui a cru, puis après qui l'a quitté, ou qui a innové quelque chose qu'Allah n'agré pas et qu'il n'a pas permis. Alors il fera partie de ceux qui ont été repoussés du bassin. Et parmi eux, ceux qui vont être le plus repoussés, c'est ceux qui ont contredit le groupe des musulmans, ou la jama'a, l'unité des musulmans. Comme par exemple les groupes de bid'a comme les khawarij, al-rawafid, al-mu'tazila, et tous les autres groupes, il y en a beaucoup. Et tous ceux-là font partie de ceux qui ont changé ou qui ont innové dans la religion. Et de même que les injustes, et les gens extravagants et qui exagèrent dans l'injustice et dans le fait d'enlever la vérité, de rejeter la vérité et le droit des gens, et de rabaisser les gens, qui sont là sur la vérité. Et tous ceux qui font des péchés, des grands péchés, en plein jour, ouvertement, et ou bien ceux qui dénigrent les péchés, c'est-à-dire ils font des péchés, puis ils font comme si c'est pas grave, ou les gens de l'égarement et de l'innovation, et il se peut que certains soient repoussés à un certain moment, et puis qu'ils soient rapprochés par la suite après le pardon. Et les innovations ou le changement a été dans les actions et non dans les croyances. Parce qu'on sait que les bid'ahs dans les croyances sont plus dangereux que les bid'ahs dans les actions, simplement. Après, le chef, ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Qurtubi. Après, il dit, وَقَدْ خَلَفَتِ الْمُعْتَزِلَةِ فَلَمْ تَقُلْ بِإِثْبَاتِ الْحَوْضِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ فِي إِثْبَاتِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَأَحْرَى أَنْ يُطْرَدَ عَنْهُ. Donc, le chef, il dit que les Mu'tazila ont contredit Ahl-Sunnah à ce sujet-là, et ils n'ont pas affirmé Al-Hawd. Malgré que c'est affirmé par Al-Qur'an, malgré que c'est affirmé par la Sunnah authentique, et toute personne qui a contredit à ce sujet-là, alors c'est un innovateur, et il mérite plus d'être occupé et d'être occupé de Al-Hawd que les autres. Après le chef, il parle maintenant de Al-Shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Et il dit « Al-Shafa'atu lughatan, al-wasilatu wa talab, wa urfan, su'al al-khayri lil-ghayr, wa qila hiya min al-shafa'a, min al-shafa'a al-lazi huwa al-biddu al-witr, faka'anna al-shafi'a damma su'aluhu ila su'al al-mashfu'i lahu. » Donc, l'imam il dit que Al-Shafa'a, dans la langue, ça veut dire un moyen ou une demande. Et dans l'utilisation des gens, c'est de demander quelque chose de bien à un autre. Après, il dit, وَالشَّفَاعَةُ حَقٌ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَهِيَ أَنْ تَكُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ. قال تعالى, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc le chef il dit que Al-Shafa'a est vérité lorsque ses conditions sont respectées, et ses conditions c'est qu'elles soient faites avec la permission d'Allah, et il faut qu'il ait agréé la personne pour qui on intercède. D'accord? Il faut que Allah ait agréé la personne pour qui on intercède, ou il faut que ce soit par sa permission. Hein? Contrairement à l'intercession qu'on fait des personnes dans cette vie. Par exemple, une personne, il veut intercéder, il veut que quelqu'un intercède en sa faveur. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Hamza? Allez, on fait. Alhamdulillah. Naam. Donc, quelqu'un veut qu'on intercède auprès d'une personne, un patron d'une compagnie, pour que il soit accepté dans le poste en particulier. Alors, il va demander à son ami d'intercéder au patron en sa faveur, pour être assistant ou pour être ministre des Affaires intérieures, je ne sais pas quoi encore. mais là, par exemple, dans ce cas-là, le patron, il va accepter peut-être la demande de son employé, qui intercède en faveur de son ami, pour différentes raisons, peut-être parce que cet employé-là a une faveur vis-à-vis de cet employé, tu vois, parce que l'employé a rendu un service, il a fait quelque chose, hein, pour le patron, et donc le patron, il se sent d'une certaine façon obligé de répondre à la faveur de cette action. Allez, qu'est-ce que là, tu vois, on va la tête. Non, tous les actions. Non, je ne sais pas les faits, je ne sais pas si c'est parti. Mais là, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on les voit, quoi. Non, donc, alors là, il a besoin de cet employé-là, ce patron. Donc, il est un peu obligé de répondre à l'intercession, à la demande de l'intercession. Et ça, c'est quelques aspects qui font les grandes différences entre de l'intercession de la créature vis-à-vis du créateur et l'intercession des créatures entre elles. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne parmi les créatures, il n'y a personne parmi les créatures qui ont un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, on reste là. Peut-être que l'employé, là, il a un droit sur son, il doit, l'employé a un droit sur son patron, à cause d'une faveur, ou à cause de quelque chose qui lui doit. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Donc, pour intercéder auprès d'Allah, pour que quelqu'un intercède en faveur de quelqu'un d'autre, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait des conditions à respecter. Et parmi les conditions, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission à cette personne-là d'intercéder. Et deuxièmement, il faut que Allah ait agréé la personne pour qui on a fait. De toute personne qui est le théâtre, il n'accepte pas son intercédé. Il a intercédé pour un mille mois seul. Donc, le chef il mentionne le verset pour trouver ça, et c'est le verset qui dit et combien d'anges dans les cieux, leur intercession n'a aucune valeur, ou bien ne servira à rien, excepté après que Allah le permet, et uniquement pour qui il a agréé. Illa min ba'di an yu'azan Allah liman yasha wa yarda. Donc, il va permettre uniquement à celui qu'il veut, et seulement pour celui à qui il a agréé. L'intercession. Et fi hadhihi al-aya al-karima, anna al-shafa'a لا تنفع إلا بشرطين. الشفاعة نصير كلا المتأثرين اكتفى بالذكر الصور. الأول إذن الله للشافع أن يشفع لأن الشفاعة ملكه سبحانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إسماعيل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما شاء الله. Donc, le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait la permission d'Allah Ta'ala de faire l'intercession pour cette personne-là. Et pourquoi? Parce que, à Shafa'a, l'intercession, ça lui appartient. Allah Ta'ala dit, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا. Dit que à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Et dans un autre verset, il dit, dans la deuxième condition, il dit, أَسْتَانِ رِضَاهُ أَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بأن يكون من أهل التوحيد لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc le deuxième, c'est qu'il faut que Allah subhanahu wa ta'ala ait agréé et satisfait de la personne pour qui on intercède. Et ça veut dire que la personne doit faire partie des gens du tawhid, des gens de l'unicité d'Allah. لأن المشرك, parce que le mushrik, l'intercession ne sert à rien pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Pour eux, l'intercession des intercesseurs ne sera d'aucune utilité pour eux. Ok? Après, Cheikh, il dit, فَتَبَيَّنَ بِهَذَا بُطْلَانَ مَا عَلَيْهِ الْقُبُورِيُّونَ الْيَوْمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الشَّفَاعَةَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ بِأَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ كما قال تعالى في سلفهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. Donc le chef dit, et par cette explication là qu'on vient de donner, il devient clair que les arguments des Kouboulioun, les gens qui adorent les tombes et tout, les morts et tout ça, eh bien, leur argument est complètement faux. Et lorsqu'on analyse, c'est ce verset-là. Et c'est ceux qui, les Kouboulioun, ce sont ceux qui demandent l'intercession des morts. Et ils vont à la tombe et demandent aux morts d'intercéder en leur faveur. Et ils cherchent à se rapprocher des morts par toutes sortes de différentes adorations qu'ils font. Comme d'égorger un animal, enfin, pour le mort, ou de faire des sortes de doua ou d'invocation, ou de faire toutes sortes de trucs pour dans le but d'essayer d'avoir l'agrément des gens qui sont dans la tombe pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah à leur faveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de leurs prédécesseurs de ces idolâtres, Allah il dit dans le Coran, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent que ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Donc ça c'est les exemples de leurs mensonges au sujet d'Allah. Et Allah dans le verset qui vient après, il dit « قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » Donc il dit « Allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni sur la terre et qu'il soit purifié de ce que vous lui associez. » Donc ça fait que c'est une partie du shirk, parce qu'Allah dit « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » Donc c'est le shirk qui porte. Et il y a une preuve là-dedans, c'est le dua, l'invocation, c'est une adoration, et que de le faire à autre que Allah qui se lâche du shirk. Contrairement à ce que c'est de Fouzouliyoun. Puis dans l'autre verset que le chef il mentionne, il dit, Allah s.w.t. a dit, « Qul amistakhadu min dunillahi shufa'a » On peut prier en dehors d'Allah des intercesseurs, dit, même si ils ne raisonnent pas, parce que ces gens-là qui demandent, à qui ils demandent l'intercession, ils ne possèdent rien. Hein, ils sont morts dans leur tombe. Et même s'ils sont vivants, ils ne possèdent rien. Et ils ne réfléchissent pas, yani, surtout s'ils sont morts ou si ce sont des idoles et des sorciers. Kullillahi shafa'atu jami'a. Dit, l'intercession sincère appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mulku as-samawati wal ard. À lui appartient le ciel et la terre. Somme ilayhi turja'un. Dit, c'est à lui que vous allez retourner. Et dans le verset qui vient après, il y a encore plus ça, le chef ne l'a pas mentionné. Mais ça dit, وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُعِيَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué ou adoré ou invoqué lui seul, l'état des gens qui ne croient pas en l'au-delà est rempli de dégoût parce qu'on invoque Allah seul. Mais si on mentionne les autres en dehors de lui, les voilà qui se réduisent. Hein? Et c'est comme ça les gens de shirk, les gens de kufr. Allah, si tu mentionnes Allah seul, dis, Ya Allah, aide-nous, Ya Allah, sauve-nous du malheur, oh Allah, donne-nous la victoire, ou des choses comme ça, ils se fâchent. Et même si tu mentionnes d'autres, Isa, ou Mariam, ou n'importe quel autre saint, ou des choses de ce genre, et là, ils sont contents. Donc, ça veut dire que quand tu mentionnes Allah seul, ça les fait pas, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que tu mentionnes autre avec lui? Et là, ça te montre exactement la suite de ce genre de chiffres. Allah, c'est comme si Allah, il n'est pas suffisant pour eux. Et ça, c'est grave, yani. Seul hasbi Allah. Dit Allah lui suffit. Alayhi ya tawassal, il me tawassal. Alayhi ya tawassal, il me tawassal. Dit Allah lui suffit. C'est sur lui que celui qui doit mettre sa confiance, c'est celui qui doit mettre sa confiance. Hein? Après, le chef dit, « وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُّنَا الشَّفَاعَةَ فَيَشْفَعُ لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ » Et notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné un shafa'a, on lui a donné l'intercession. Et il va intercéder pour qui Allah lui donne la permission. Et le chef, il mentionne les paroles maintenant de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit, quand le chef de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lahu, sallallahu alayhi wa sallam, salatu shafa'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura trois interprétations au l'islam de lui. Al-shafa'atul oula, fayashfa'u fi ahli al-mawqif, hatta yaqdi baynahum, بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. Donc le chef nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la première forme d'intercession, c'est que au jugement dernier, tout le monde va être là et tout le monde va chercher quelqu'un à qui demander l'intercession. Et les gens vont partir demander à Adam, et à Noé, et à Abraham, et à Moussa, et à Issa, à tous les gens, il va demander l'intercession. Mais tous ces prophètes-là vont dire, moi, je ne peux pas, je n'ai pas l'intercession, je ne peux pas le faire. Allez voir jusqu'à ce qu'ils arrivent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là, il va dire, « Ana laha, c'est pour moi que cette intercession-là est. » Donc, c'est-à-dire, il va aller et il va demander l'intercession à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par la permission d'Allah, Allah va lui donner, et puis il va intercéder pour les gens du jugement dernier. Ensuite, il y a une deuxième intercession, le chef dit, « Amma shafa'atu thaniya, fayashfa'u fi ahli al-jannah, an yadkhulu al-jannah, wa hatan al-shafa'atan, khassatan lahu. » Donc, la deuxième intercession, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'intercession pour les gens du paradis, pour les faire entrer au paradis. Et ces deux premières intercessions-là sont particulières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que personne d'autre va intercéder dans ces deux premières-là. Mais il y a le troisième, il dit « Amma shafa'atu thalitha, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar, wa hadhihi ash-shafa'a lahu wa li sari'i an-nabiyyina wa as-siddiqina wa ghayrihim, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha, وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا. Donc, la troisième intercession, c'est qu'il va intercéder pour ceux qui méritent l'enfer, et pour ne pas qu'ils y rentrent, et pour ceux qui sont déjà dans l'enfer, pour les faire sortir. Et cette intercession-là, elle est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est également pour tous les autres messagers, et tous les autres prophètes, et tous les autres véridiques. Et ils vont intercéder ces jours-là également. Et ça, c'est bien entendu uniquement pour les musulmans. Ceux qui ont ceux au tawhid et qui n'ont pas fait de shirk, ils vont tous sortir de l'enfer. Il n'y en a pas un qui va rester éternellement dans l'enfer s'il a eu une attente de foi. Il n'a pas fait de shirk. قال رحمه الله وقال رحمه الله أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزل من بلاد الجزء ما شاء الله. يعني. لا لا لا. Donc, Donc, وانكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, il continue son explication, et la citation, elle continue, il dit, en ce qui concerne son intercession pour les musulmans qui ont fait des péchés parmi sa umma, alors il dit que tous les sahaba et les tabi'in et le reste des imams des musulmans, parmi les quatre imams et les autres, ils ont tous accepté ça. Il y aura une intercession pour les musulmans qui ont fait des péchés. Les gens qui l'ont rejeté ou qui l'ont nié, eh bien, c'est plusieurs parmi les gens de Bid'a, comme par exemple les Khawarij, les Mu'tazila et une secte, une chia qui s'appelle Az-Zaydiyya. Ils ont dit que celui qui rentre dans l'enfer, il ne sortira jamais, ni par une intercession, ni par autre chose. Et cela, pour eux, celui qui rentre au paradis, il ne sortira jamais. Il y a seulement celui qui rentre au paradis, alors celui qui rentre au paradis, celui qui rentre au paradis, il ne va pas aller en enfer, et celui qui rentre en enfer, il ne va pas aller au paradis. Et donc, dans une seule personne, on ne peut pas réunir une punition et une récompense selon ces gens-là. le cheikh il dit il a un qal واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit que ces gens-là, les gens de Bid'a, ils ont utilisé comme argument ou comme preuve pour montrer qu'il n'y aura pas d'intercession. Ils ont utilisé certains versets, comme par exemple un verset qui dit « Éteignez le jour où aucune âme ne bénéficiera une autre en quoi que ce soit » et qu'on n'acceptera pas d'elle aucune intercession et que aucune compensation ne sera plus d'elle. Et dans un autre verset également dans Sourate Al-Baqara, avant que le jour vienne où il n'y aura aucun commerce, aucune amitié et aucune intercession. Et dans un autre verset qu'ils utilisent également, c'est malvalimin min halimin wala shafi'in yuta. C'est-à-dire, au jugement dernier, il n'y aura pas pour les injustes d'amis proches ou d'amis chaleureux ou bien d'intercesseurs pour intercéder pour eux. Et dans un autre verset, il dit « Non, non, comme ça, on ne sait pas à ce chien. » C'est-à-dire, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Et la réponse des gens d'Ahl al-Sunna al-Jama'a à ces shubuhat, c'est de deux façons. La première, أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. Donc, le chef de réponse, la première réponse qu'on donne à ces arguments-là, c'est premièrement que c'est vrai que la shafa, elle n'est pas utile ou ne profitera pas à qui au mushrikoun, pas à eux. Pour eux, il n'y aura aucune intercession. Donc, ça, c'est une des réponses qu'on donne. Et l'exemple, la preuve de ça, c'est dans le verset qu'il a donné. Il dit, qu'est-ce qui vous a ramené dans Astakhar? Et Astakhar, c'est un des noms pour l'enfer. Ils ont répondu, quant à nous ne faisons pas partie de ceux qui prient. Et nous n'avons pas nourri les pauvres. Et nous faisons partie de ceux qui restaient dans des discussions et des disputes inutiles. Et on a renié le jugement dernier jusqu'à ce que la mort nous vienne. Alors, il n'y aura pour eux, ce jour-là, aucune utilité. L'intercesseur des intercesseurs, de ceux qui intercèdent, ne sera pour eux d'aucune utilité. Parce que ce sont des croyants. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il n'y aura pas d'intercession pour les musulmans. C'est-à-dire que cela parle des croyants. Et deuxièmement, le chef de la salle, annahu yuradu bidhalika ash-shafa'a allati yuthbituha ahlu ash-shirk wa man shabahahum min ahli al-bid'i min ahli al-kitab wal-muslimin الذين يظنون أن للخلق حق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس في بعضهم عند بعض. Donc le chef il explique que deuxièmement l'intercession qui est mieux dans ces versets-là, c'est également l'intercession que les gens de shirk et leur semblable à ces articles, comme par exemple les gens de Bid'a, comme on a parlé tout à l'heure des Qubouriyyins, et des gens de Ahlul Kitab, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, qui affirment une certaine forme d'intercession, et qui croient que certaines créatures ont un droit vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils peuvent intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Comme les êtres humains intercèdent les uns pour les autres dans cette ligne. Et cette forme d'intercession-là, elle n'existe pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'expliquer tout à l'heure? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui a une faveur auprès de lui, au point où il pourrait dire, oh Allah, tu nous dois quelque chose. Donc, moi, je demande sur cette personne du paradis parce que, tu veux, c'est quelqu'un tel faveur, hein. Et donc, maintenant, tu nous dois quelque chose. Donc, tu es le sorti de l'enfer. Non, c'est pas comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a aucun droit sur lui. Aucune de ses créatures n'a de droit sur lui. Donc, il donne à qui il veut la permission d'interpeller. Et c'est uniquement pour celui qui l'a agréé qu'on peut interpeller et justement définir. حديث رسول الله أبو هريرة يقول من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت من لقي الله ولم يدعو ندا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كي سرال فيزوري طعميني quand il a rencontré l'interprétation au jugement dernier. Il a dit, c'est celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas donné, et qui n'a pas évoqué des égaux ou donné des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou qu'est-ce de ce genre? Je ne sais pas exactement le hadith, mais je sais que le hadith est antique. Al-Janna wa al-Nar, le paradis et l'enfer. Le chef il dit aussi, يوم القيامة, الداران, العظيمتان اللتان لا تنسيان الجنة والنار فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم شيخ الجيكة au jugement dernier il y aura deux demeures très grandes et ces deux demeures là elles ne finiront jamais comme elles seront jamais pour l'éternité. Et c'est le paradis et l'enfer. Donc, le chef, il dit que Al-Jannah, le paradis, c'est la demeure de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mustaqoon. Et le feu, c'est la demeure des kuffar. Et il dit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour les vertueux, pour les pieux, il y aura, ils seront dans des délices, tandis que les pervers, ils seront dans une fournaise, dans l'enfer. Après le chef, il dit, وَهُمَا مَخْلُوقَتَانْ مَوْجُودَتَانْ الْآنْ كَمَا قَالَ تَعَلَى فِي الْجَنَّةِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ فِي النَّارِ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِمَا الْآنْ وَأَنَّهُمَا بَاقِيَتَانْ لَا تَنْفَيَانْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Donc le chef, il dit que ce sont deux créatures qui sont créées et qui existent actuellement, le paradis et l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du paradis, il a été préparé pour les ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit au sujet du feu ou de l'enfer, il a été préparé pour les kafirines, pour les mécréants. On réalise les kaminanusos et il y a beaucoup d'autres versets ou d'autres textes du Coran et de la Sunna qui prouvent qu'elles sont présentement existantes et qu'elles vont rester et qu'elles ne vont pas s'anéantir ou terminer, c'est-à-dire elles vont rester éternellement. Et ça c'est la position et la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Quand le Sharih al-Tahawiyya, le chef qui a fait l'explication du livre l'Aqid al-Tahawiyya, il a dit dans son explication « Mimma yanbaghi an yu'lam an Allah ta'ala la yamna'u thawab إلا إذا منع أو إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فإنه قال من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. Donc le chef il dit, il est important de connaître ou de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il n'interdit pas la récompense pour quelqu'un excepté si les causes de cette récompense là sont sans péché ou sont pas présentes, d'accord, et c'est-à-dire les bonnes actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va pas empêcher à quelqu'un la récompense du paradis, excepté si les causes qui amènent au paradis sont sont pas là. C'est-à-dire les bonnes œuvres, si les bonnes œuvres sont pas là, ça c'est ça qui va, qui peut faire entrer quelqu'un, ou la cause qui fait que quelqu'un entre au paradis. Donc si ces bonnes œuvres là sont pas présentes, eh ben la récompense sera pas présente. Et il mentionne un verset qui dit que Allah SWT a dit, un verset qui dit, celui qui fait des œuvres, des bonnes œuvres, et qui croit en Allah SWT, alors il ne doit craindre aucune injustice ni oppression. Donc, celui qui a fait les bonnes œuvres, qui a cru, lui, il ne doit craindre aucune injustice au jugement dernier, inshallah, il sera parmi les humains, et il va entrer au paradis, inshallah. وكذلك لا يعاقب لا يعاقب احدا الله سبحانه وتعالى ne punit personne excepté après qu'il y a eu les causes qui amènent le châtiment, c'est-à-dire les péchés, les désobéissances, etc. Et Allah سبحانه وتعالى il dit tout ce qui vous atteint d'épreuves et de malheurs, alors c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont attiré, et malgré cela il pardonne beaucoup, hein. Donc Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui donne et qui retient, et personne ne peut donner personne ne peut retenir ce qu'il donne, et personne ne peut donner ce qu'il retient. D'accord? La mani'u lima a'ta wa la mu'ti lima mana'a. Wa la a'malu as-saliha sababu li dukhuli al-jannah wa la a'malu as-sayyi'a sababu li dukhuli an-nar. Nas'alullaha al-jannah wa na'udhu billahi ونعوذ به من النار وإنه سميع مجيب الدعاء. Les actions, les bonnes œuvres sont la cause qui nous font entrer au paradis, et les péchés et les mauvaises œuvres sont les choses, les causes qui nous font entrer en enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, et on cherche le refuge en lui contre le feu de l'enfer, et il est audien et il répond aux invocations. Na'am amin. Donc, avec ça, ça vient terminer le chapitre de Al-Iman ou Bil-Yawm al-Akhir. Et maintenant, on va commencer Al-Iman ou Bil-Qada'i wal-Qadar. La foi en la prédestination. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. La chaque anna islat al-Qada'i wal-Qadar. Wa wujub al-Iman bihima, bima, wa bima tadammanahu min a'zami arkan al-Iman. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc le chef il dit il n'y a pas de doute que d'affirmer al-qada ou al-qadar, la prédestination, c'est obligatoire, c'est partie des obligations de la foi. Et étant donné que c'est une implication et que c'est une chose qui fait partie des plus grands piliers de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Jibril, quand Jibril a demandé qu'est-ce que c'est la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en son messager, ou en ses messagers, au jour du jugement, et de croire en la prédestination, ce qu'il y a de bien et de mal, ce qui se rapporte avec la prédestination, que ce soit bien ou mal. Et il a mentionné un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Toutes choses nous l'avons créées avec une mesure. » Donc, le chef dit « Wal-qadar, mastaru, qadar tashay, iza ahatta bimikdarihi, wal-muradu huna, ta'alluqu ilmillahi bil-ka'inat, وإرادته لها أزلا قبل وجودها فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله وقدره وأراده ومذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقدر خيره وشره. Donc le chef dit que القدر c'est le مصدر c'est le مصدر de قدر الشيء c'est-à-dire qu'il y a des mesures et mesurer une chose ou bien calculer une chose. Il y avait aussi ici quelques notes. Vous voyez, c'est une telle page. Oui. Non, Al-Qadr, Al-Qadr, ça veut dire aussi, ça peut être, comme le chef dit, une mesure, mais ça peut être aussi Al-Qadr, c'est être capable. Al-Qadr, la décision, le verdict, le décret. Hein. Donc ça c'est certaines des définitions. Et là je ne sais pas encore si on va le faire ou non. Après tout un jour, ça va. Mais on va, je ne sais pas si on va le faire ou non. Peut-être qu'on peut avancer. Si ça parle de, ça parle de sens et tout. Peut-être on va voir si on a le faire ou le faire. C'est intéressant par exemple. Parce que le chef il n'entre pas dans tous ces détails. Et c'est, ça veut, ça peut vous aider à mieux comprendre, alors que vous connaissez le détail qu'il y a là-dedans. On va voir. Non. Mais c'est en arabe. D'accord. C'est en arabe. Oh yes, oh yes. Donc le chef il dit, il va accepter le bouc d'arrêt. Et il dit que la signification ici dans, quand on parle de Al-Qadr, dans la prédestination d'Allah, ça veut dire la connaissance d'Allah frontale de tout ce qui existe et le fait qu'il l'a voulu éternellement et avant son existence. Alors il n'y a rien qui peut exister, excepté que Allah frontale l'a déjà connu et il l'a déjà calculé, prédestiné, déterminé et il l'a voulu. Donc ça c'est la position d'Ahmed Sina al-Jama'a au sujet de la foi en la prédestination et en ce qui s'implique de bien et de mal. Et après le fait que Dieu a l'imam de l'Qadari, il y a quatre degrés pour la foi en l'imam de l'Qadari ou l'Qadari. Il y a quatre conditions ou quatre degrés pour dire que la foi peut s'implique de la foi en l'Qadari ou l'Qadari. Les quatre conditions de Al-Qadr ou Al-Qadr. On les a mentionnés dans Al-Irshad, on les a mentionnés lorsqu'on a parlé de Usul Sunnah, et on en a peut-être même parlé dans les autres bureaux. Mais peut-être que si vous en êtes certain que vous le savez, si vous en si vous pensez que vous en souvenez pas, c'est parce que peut-être que vous êtes mélangé là, parce qu'on vous parle de quatre projets. Certaines, quatre conditions ou quatre. 4 comme le chef il dit, 4 degrés de Qadr ou Al-Qadr. Ça là, c'est les 4 points qui font que si vous voulez que votre Qadr, que votre croyance en Al-Qadr ou Al-Qadr soit acceptée, c'est si vous respectez ces 4 choses là. Sinon, il y a un problème avec votre croyance en Al-Qadr ou Al-Qadr. Il manque quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que peu de musulmans connaissent, malheureusement. Donc, si vous aimez votre langue de chat, ok. On commence, mais essayez de le mémoriser, Inch'Allah. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Non. Ça, c'est bien plus simple que ça. Non. C'est pas vrai. Non. Ok. Ouais. Mais là, je voulais juste vous réveiller là, pour que vous. Ouais. Mais j'essaie de vous poser la question pour que vous soyez attentif à la réponse. Comme ça, vous allez les remonter. Ok. La première, c'est. Oh, je vais les dire juste par des mots, après je vais les expliquer. Le premier c'est de croire que Allah c'est tout. Il a tout écrit avant même d'avoir créé. Deuxièmement, il a tout écrit. Quatrièmement, pardon. Premièrement, il a tout écrit. Deuxièmement, il a tout écrit. Troisièmement, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il a voulu. Et quatrièmement, il a tout créé. Ouais, ok, là je vais les. Là, je l'ai mentionné en rapide. Là, je vais les détailler. Je vais les expliquer en arabe et traduire en français. Oui, je sais que vous le saviez. C'est pour ça que je vous. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. Ça, c'est le cas. Exactement. Que le monde a été créé. Ouais. Ça, c'est clair dans les hadiths et tout. Ça, en fait, les savants, ils ont mis sur cette forme-là, disons, ces 4 degrés, ces 4 règles, ces 4 conditions, dans le but de simplifier et de faciliter la compréhension et la mémorisation. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui comprend bien les textes, le Coran et de la Sunna, est capable de comprendre ces conditions-là quand même, savoir qu'il y a quatre conditions, d'accord? Mais, c'est comme par exemple les conditions de la Salah. Si quelqu'un va vous demander, c'est quoi les, ils vont vous dire par exemple, c'est quoi les six ou les sept conditions de la Salah. Peut-être que quelqu'un ne les a pas mémorisées en ordre, il n'a pas mémorisé par un nombre spécifique, mais il est capable de les mentionner, les citer, de sa tête comme ça, en désordre, hein, mais il est capable de vous les mentionner. Tandis que quelqu'un qui les a étudiés dans un livre qui les a appris par cœur aussi, il va les mentionner plus rapidement parce qu'il les a appris en ordre. Donc c'est juste pour faciliter les choses là, d'avoir mis ça de cette façon-là. Donc le chef dit Al-Ula, Al-Iman bi'ilm Allah al-Azali, bi kulli shay'in قبل وجوده ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. Donc premièrement de croire en la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de toutes choses avant sa création, avant son existence, et parmi les choses qu'il connaît, c'est les actions de ses créations, tout ce qu'ils ont fait avant même qu'ils le fassent, Allah l'a su. Deuxièmement, Al-Thaniya, الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. Deuxièmement, Allah سبحانه وتعالى il a tout écrit ça dans le لوح المحفوظ, dans les tables préservées. Troisièmement, الإيمان بمشيئة الله الشاملة لكل حادث قدر وقدرته التامة عليه. Troisièmement, c'est-à-dire qu'on doit croire en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté totale pour chaque événement et chaque chose qui se produit, et sa puissance totale sur tout ce qui se produit dans l'univers. Hein? Et quatrièmement, Al-Iman bi-Ijadillah li kulli al-makhluqat, wa annahu al-khaliq wahdahu wa ma siwahu makhluq. Hein? Donc, le quatrième point, c'est-à-dire de croire que tout ce qui existe est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui a créé toutes les créatures. Et que c'est lui seul le créateur. Il n'y a pas d'autre qui crée avec lui. Et tout ce que nous on crée, même les êtres humains, ça fait partie de ce que Allah a créé. Et donc, en dehors d'Allah, tout est créé. Donc ça, c'est clair. Et ça, c'est les quatre règles. Qui est capable de les répéter? Ismaïl. Non. Non. Mashi'a. Aucha. Non. Non. Non, voilà. Donc là, ça y est. Donc là, ça veut dire maintenant, j'espère que c'est gravé dans votre cerveau. Ouais, c'est ça. C'est pas créé. D'accord? L'être humain ne crée pas. Il transforme les choses qui sont créées. Mais à partir de rien, on peut rien faire. Donc, c'est juste Allah qui crée à partir de rien. Mais l'être humain peut inventer, peut fabriquer, peut transformer, peut faire toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que personne ne peut créer comme Allah. Le premier, c'est la connaissance. La connaissance, l'écriture, qui a tout écrit. Que le frère l'a dit en arabe, hein. Il a tout écrit. Il a tout su. Il a tout écrit. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'il l'a voulu. Et quatrièmement, tout a été créé. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Il y en a qui disent, bon, dans l'univers, il y a du bien et il y a du mal. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal? Enfin, il y a des choses mauvaises. Donc là, il y a... Ouais, du Majus. Il croit qu'il y a deux dieux. Le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu du bien qui crée le bien et le dieu du mal qui crée le mal. C'est des choses de ce genre. C'est Majus, il croit qu'il y a le dieu du bien, c'est Dieu. Puis, le dieu du mal, ça veut dire le diable. Le diable, c'est comme il croit que c'est l'opposé, le contraire de Dieu, mais négatif. Hein, tandis que Dieu, c'est le bon, mais le positif. Et l'opposé de Dieu, négatif. C'est-à-dire une force égale, mais négative. Ça, c'est la religion des comment on les appelle, Ouais, des kuffars, les mushrikines. Mais on les appelle en français par d'autres noms. Des fois, ils les appellent les non, c'est comme il y a polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Ceux qui croient qu'il y a deux, c'est comment? J'ai oublié. Ouais, ceux qui disent deux. Poly, non pas poly. Poly, c'est plusieurs. Pan, ça veut dire, panthéiste, ça veut dire que ceux qui croient que tout est Dieu. Non, oh, je le connaissais, je me souviens, mais j'ai oublié. Non, déiste, c'est ceux qui croient que il y a un Dieu qui est comme le Dieu de Voltaire, le Dieu de Dieu de philosophe, là. C'est un Dieu sans attribut, sans aucune attribut. Il y a un Dieu qui fait rien sauf créer. Il a créé le monde, et après c'est fini. Il n'aime pas, il déteste pas, il ne crée pas, il n'a pas de volonté, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de savoir. Comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, tu vois, les Jahmiyyah, ils croient que Dieu n'a pas d'attribut, c'est juste une force, comme les gens te disent. Ah non, je crois qu'il y a une force, mais, ouais, comme les athées, c'est ça les déistes. Ils disent, ouais, je crois qu'il y a un Dieu, c'est une force quelconque, mais il n'a pas de volonté, il n'a pas envoyé des messagers avec des livres, avec des lois, des agassives, des choses comme ça. Donc, c'est du koufariat. C'est ça que les Jahmiyyah essayaient d'enseigner parmi les musulmans, et les Mu'tazila aussi, et beaucoup d'autres, il y en a parmi les gens de Bida. Donc, après, le chef il va mentionner pour chaque point des références et des preuves pour essayer de prouver ça. Le chef il dit, ومن أدلة المرتبة الأولى والثانية قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas? Là, ça c'est l'épreuve du premier degré et du deuxième, c'est-à-dire que Allah a tout su et que Allah a tout écrit. Dans ce verset-là, il y a la preuve des deux choses. C'est que ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et ça, tout ça c'est dans un livre et ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj, verset 72. Dans un autre, après le Cheikh dit, وَمِنْ أَدِلَّةِ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Parmi les preuves de la troisième catégorie, le troisième point, c'est-à-dire que Allah a tout ce qui arrive, c'est par sa volonté, c'est le verset qui dit, et vous ne pourrez vouloir accepter ce que Allah, accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes. Ça, c'est la preuve de sa volonté. Et wa qawluhu ta'ala, inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et dans un autre verset, après le Cheikh dit, وَمِنْ أَدِلَّةِ الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Dans les catégories 4, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset, la preuve du quatrième point, du quatrième condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah a tout créé, il est le créateur de toutes choses. Et dans un autre verset, il dit, et c'est lui le grand créateur et le tout connaissant, celui qui connaît tout, l'omniscient. Donc, ça c'est parmi les preuves. Et, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun, ça c'est aussi une autre preuve. Allah vous a créé et ce que vous faites fait partie de sa création également. Et le Cheikh dit, wa taqdiru naw'an, la prédestination est de deux catégories, deux sortes. تقدير عام شامل لكل كائن وهو المكتوب في اللوح المحفوظ فقد كتب الله فيه مقادير لكل شيء إلى أن تقوم الساعة كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات Donc, il y a deux sortes de prédestination. Il y a une qui est générale, et il y a une qui est spécifique. Donc là, le chef, il explique maintenant celle qui est, une qui est générale, une qui est détaillée. La première, c'est la générale, il explique ici, il dit, une prédestination qui est générale pour tout ce qui a été créé. Et ça, c'est ce qui est écrit dans les tables préservées, Al-Lawh al-Mahfouz. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit tout ce qui allait arriver jusqu'au jugement dernier. Il a écrit les prédestinés, la destinée de toutes les créatures jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, selon Ubadah ibn Samit, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, la première chose que Allah a créée, c'est la plume. Hein? Et il lui a dit, écris. Allah a dit à la plume, écris. Alors Allah a dit, mais qu'est-ce que je dois écrire? Il a dit, écris. Toutes les... La plume a demandé, qu'est-ce que je dois écrire? Non, c'est une plume qui parle. Parce que Allah est capable de faire parler toutes choses. Donc, il va, au jugement dernier, nos mains vont parler. Donc, quoi va nous parler? Donc, c'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire parler ce qu'il veut. Donc, la plume va parler ce jour-là. Elle va dire, ce jour-là a demandé à Allah, qu'est-ce que je dois écrire? Hein? La plume a demandé, qu'est-ce que je dois écrire? Alors, Allah a répondu, écris toute la prédestinée, ou toutes les prédestinations de tout ce qui va arriver jusqu'au jugement dernier. Donc, Allah lui a dicté tout ce qui allait arriver jusqu'au jugement dernier, et la plume a écrit tout. Ok? Et il y a l'autre hadith que le frère a mentionné tout à l'heure, qui disait que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de tout ce qui allait, de toutes les créatures, 5000 ans, 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Donc, tout a été écrit, Yannick. Et ça, c'est le hadith que le cheikh a mentionné pour wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, et il y a une prédestination détaillée. Et le cheikh dit wa taqdir al mufassal li taqdir al am huwa anwa wa huwa anwa. Donc, il y a une prédestination qui est détaillée, qui est plus spécifique, et c'est le détail de cette prédestination générale-là. Et elle est différentes catégories. Premièrement, il dit « Annaw al-awwal, al-taqdir al-umuri, kama fi hadithi ibn Mas'udin fi sha'ni ma yuktabu ala al-janin, wa huwa fi batn ummihi min kitabati ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa shakawatihi aw sa'adatihi. » Donc, il y a la prédestination qui est écrite lorsque tu viens au monde, c'est la prédestination qui a rapport avec ta vie. Et l'ange vient et il écrit ta prédestinée, c'est-à-dire il écrit lorsque tu es dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que ça va être ton terme, ta mort, il écrit ta subsistance, qu'est-ce que tu vas avoir comme subsistance, qu'est-ce que ça va être tes actions. Et il écrit également, est-ce que tu vas être heureux ou malheureux, c'est-à-dire est-ce que tu vas être parmi les gens du paradis ou les gens de l'enfer. La deuxième catégorie, c'est النوع الثاني التقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. Donc il y a la prédestination qui est annuelle. Et ça, c'est tout ce qui est décidé la nuit de la prédestination, Laylatul Qadr. Et parmi les choses générales qui se produisent, et c'est pour ça qu'Allah dit, c'est dans cette nuit-là que tout ordre est divisé et séparé. Al-Hawli. Toutes ces catégories-là sont dans Al-Lawh al-Mahfouz, excepté que c'est des différentes sections c'est déjà écrit. Ça peut pas changer. Même pour pour toi, ouais. Ouais, pour le bébé. Qu'est-ce que l'ange vient et qu'est-ce que l'ange crie à propos de toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Ça, c'est ta prédestination. C'est déjà décidé. Rufa'at al-aqlam. On va dire ça, c'est suhuf. La plume a été soulevée et l'encre a séché. Ouais, ça c'est sûr que c'est destiné, bien entendu. Et c'est pas nécessairement, c'est pas seulement non plus dans la vie. Ça peut être aussi, même dans l'au-delà, ça veut dire, est-ce que tu seras heureux, ça veut dire tu vas aller au paradis ou malheureux dans l'enfer. Ouais. C'est pas qu'ils sont condamnés, c'est que c'est déjà écrit. Allah a su et il a écrit qu'il sera en enfer. Mais moi, je peux pas lire, moi, qu'est-ce que l'ange a écrit à mon sujet. Peut-être qu'il a écrit que je vais au paradis, peut-être qu'il a écrit que je vais en enfer, mais moi, je ne sais pas. Donc, pour moi, ça fait partie du rêve. Ça fait partie de l'invisible. L'ordre que Allah m'a donné, c'est que je l'obéisse. Et que je suive son ordre. Et c'est ce que je fais. J'essaie le plus que je peux d'essayer de suivre ça. Et je demande à Allah de me guider, et je fais les doigts et tout. Et j'espère qu'il m'a écrit dans ma prédestination que je serai au paradis. Non, rien. Pour. Exactement, tu es accepté. Exactement. Et le doua, s'il change la prédestination, il change pas la prédestination réellement. Ce doua que tu fais en demandant à Allah de changer ta destinée, ou etc., ou de t'écrire parmi les gens qui vont au paradis, si tu es écrit parmi les gens de l'enfer, eh ben, c'était déjà écrit que tu allais faire ce doua. Tu vois? Donc, si tu y vas, ça veut dire que c'était écrit. Mais on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas au paradis, et tant qu'on n'est pas mort. D'accord? Tant qu'on est dans la vie, tant qu'on est vivant, tant que le test n'est pas fini, on ne sait pas c'est quoi la conclusion. Mais, que tu es là, c'est. Ouais, c'est ça. Et quelqu'un est plus près de feu de l'enfer que la fin, il y a une quelque chose comme ça. Donc, c'est juste pour dire que, comme les salaf ont dit, que Al-Qadar, c'est un des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas essayer trop de chercher à le comprendre. Pourquoi? Parce que ça a rapport avec Allah. Donc, si vous voulez comprendre Al-Qadar, c'est comme si vous voulez comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, et vous serez jamais capable. Exactement. Et ça, c'est un des exemples que le frère a dit, c'est ça. L'homme a volé, il est venu, il essaie de diffuser le qadar comme excuse. Il y a Omar, j'ai volé parce que Allah l'a écrit, il m'a prédestiné que j'allais voler. Hein? Alors, Omar ibn al-Khattab lui a répondu, hein, avec sa connaissance, avec sa compréhension de l'islam, il lui a dit d'accord, tu as volé par la prédestination d'Allah, maintenant je vais te couper la main par la prédestination d'Allah. D'accord? Et ça, c'est la punition pour les gens, c'est la punition qu'Allah a ordonnée pour les gens qui volent. D'accord? Et il y a d'autres exemples comme ça, beaucoup des salafs disaient, nu'alij al-qadar bil qadar. Comme par exemple, une fois, je pense que c'était Omar encore une fois, qui s'en allait vers une ville je sais pas s'il allait l'attaquer ou quelque chose comme ça. Puis, la nouvelle qu'il y avait la peste ou une maladie, la nouvelle qu'il y avait une maladie contagieuse comme la peste ou des choses de ce genre, s'est répandue. C'est-à-dire que dans cette ville-là où il s'en allait, il y avait la peste. Alors, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, s'il y a la peste dans une ville, si vous êtes à l'extérieur, n'entrez pas, et si vous êtes à l'intérieur, ne sortez pas. Donc, Omar ibn Khattab, qui est un des plus grands ulama de cette umma, il connaissait ce hadith, alors il a changé de direction. Alors le sahabi qui est Omar, pardon, j'ai dit Abu Bakr. Moi j'ai dit Abu Bakr ou Omar? Non, j'ai dit Omar. Ah oui, moi je me souviens que c'était Omar, wallahu alam. Un des deux. De toute façon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un sahabi qui était avec Omar, il a dit, est-ce que tu t'enfuis de la prédestination d'Allah? Asafiru min qadarillah. Alors Omar, il lui a répondu avec une parole courte, mais remplie de sagesse et remplie de lumière. Il lui a dit, Nafirru min qadarillah ila qadarillah. C'est-à-dire, on s'enfuit de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. Parce que peu importe où tu t'enfuis, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, alhamdulillah. Non, peu importe. Et lui, c'est pas parce qu'il avait peur. Yani, c'est sûr que si tu vas attraper la peste, c'était prédestiné par Allah. Sauf que, lui, il avait pas peur c'est pas de ce sens-là qu'il a eu peur, c'est juste qu'il a respecté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Donc, alhamdulillah. Et, après, le cheikh, il dit par la suite, la troisième catégorie, النوع الثالث التقدير اليومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وعز وذل إلى غير ذلك كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. نعم. Dans cette catégorie là, c'est que il y a une prédestination quotidienne. Et cette prédestination quotidienne-là, c'est la prédestination de chaque événement dans chaque journée, que ce soit une vie, une nouvelle vie ou une mort, ou le fait que Allah élève certains et rabaisse d'autres, et etc. Donc, choses de ce genre. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « كُلْ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ » Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire quelque chose. Hein? Et huwa fi sha'n, il est dans une affaire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il élève certains, le tafsir c'est qu'il élève certains et il rabaisse d'autres. Hein? Et je ne me souviens plus, il y a une histoire qui se rapporte à ce tafsir-là, mais je ne m'en souviens pas très bien. C'était qu'il y a un homme, il y a un roi qui a posé une question à un musulman, je ne sais pas quoi, il a dit... Est-ce que ton Dieu, qu'est-ce qu'il... Je ne vais pas le mentionner parce que je ne m'en souviens pas bien. Je ne voudrais pas faire une faute là-dessus. Parce que, mais par contre, c'est une histoire intéressante. Il dit, « Wala buddha lil muslim min al-imani bil qadar al-aam wa tafasili. Faman jahada shay'an minha lam yakun mu'minan bil qadar. Waman lam yu'min bil qadar. فقد جحد ركنا من أركان الإيمان كما عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر وهم في هذا الإنكار على قسمين. Donc le cheikh dit, il est obligatoire pour le nécessaire pour le musulman de croire en la prédestination générale et en ses détails, en celle qui est détaillée également et en ses détails. Et celui qui rejette quelque chose de la prédestination, il n'a pas cru en Al-Qadar. Et celui qui ne croit pas en Al-Qadar, eh bien, il a rejeté un des piliers de la foi. Et donc, comme par exemple, les groupes de Bid'a comme Al-Qadariya, qui est égaré et qui renie Al-Qadar. Et ils sont en deux catégories. Il y a deux catégories parmi la secte des Qadariya. La secte des Qadariya, d'accord? القسم الأول، الأبخمية كاتيغوري دي قدرية، القدرية الغلاة، لزيكستخميس طعمين دي قدرية، الذين ينكرون علم الله، تسوكيني لكونيسانس دالله بتوت شوز، الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها، ينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ، ويقولون إن الله أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ومن ممن يعصيه ممن يعصيه فالأمر أنف يعني أي مستأنف لم يسبق في علمه وتقديره وهذه الفرقة قد انقرضت أو كادت. Donc c'est le groupe des extrémistes parmi les Qadariyya. Et eux, ils ont nié que Allah savait toutes choses avant qu'elles existent. Et ils nient que, en fait, pour résumer, ils nient les deux premières conditions. La connaissance et l'écriture. Ça, c'est les extrêmes, les extrémistes. Ils nient les deux premières. Ils nient les deux premières. La deuxième catégorie, il nie les deux dernières. Les roulades, les extrémistes, ils nient les deux premières, et les autres, ils nient les deux dernières, c'est-à-dire que Allah Ta'ala a tout voulu, tout ce qui se produit, et il a tout créé. Donc ça, c'est le problème avec la deuxième catégorie. Donc, ils nient que Allah a tout écrit, etc. Et ils disent, Allah a ordonné et a interdit, mais il ne sait pas qui va l'obéir et qui va le désobéir, et donc il croit que les choses sont toutes faites comme ça, sans qu'Allah ait su ou quoi que ce soit. Et ils disent que Allah n'avait pas une connaissance précédente et il n'a pas prédestiné les choses. Donc ce groupe-là, ils disent ils existent presque plus, ces gens-là. Hein? Cette catégorie-là des Qadariyya, ils sont presque finis, c'est-à-dire on n'en entend presque plus parce que c'est des extrémistes et eux, ils sont, c'est ceux qui se disent fort, il n'y a pas de doute. Tandis que le deuxième groupe, il y en a encore parmi les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a al-qism al-thani, tuqirru bil-ilm, walakinnaha tunfi dukhulu af'al al-ibad fil qadar, wa taz'amu annaha makhluqa lahum istiqlalan. ولم يخلقها الله بل يريدها بل لم ولم يريدها وهذا مذهب المعتزلة. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont cru que Allah a tout su les choses, mais ils ont dit que les actions des créatures, ils nient que ça fait partie de la prédestination et ils croient que les êtres humains sont indépendants dans ce qu'ils font et que c'est pas prédestiné et que c'est eux-mêmes qui créent leurs actions et c'est pas Allah qui l'a créé et c'est pas lui qui a voulu qu'est-ce qu'on fait, c'est pas Allah qui a voulu ce qu'on fait. Et ça, c'est la voie des Mu'tazila. Et bien entendu, on sait que les Shia, ils sont sur la voie des Mu'tazila en ce qui concerne Al-Asma al-Sifat, en ce qui concerne Al-Qadar. Donc, on peut les rentrer dans les Mu'tazila eux aussi. Puis aussi, c'est la position des Asha'ira également. Asha'ira. Al-Asha'ira. Al-Ash'ari. Al-Ahbash, ils disent qu'ils sont des Asha'ira. L'action qui va tomber, l'action qui va être calme, c'est ce que tu dis. Ouais. Mais je vais t'expliquer après, tu vas comprendre si on lit ça. Ok, d'abord. Donc, le chef, attends, je vais lire jusqu'à ce paragraphe-là, puis après on va commencer avec celui-là, Inch'Allah. Donc, le chef, il dit, وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد مجبر على فعله ولهذا سموا بالجبرية. Et il y a un autre groupe qui a opposé les Qadariyas et ceux-là ils ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination jusqu'à ce qu'ils enlèvent de la capacité et le choix à l'inclinaire. Mais ils disent que l'inclinaire n'a pas de choix et n'a pas de capacité de faire quoi que ce soit. C'est Allah qui lui fait faire tout ce qu'il fait. Donc, il n'a pas de volonté et pas de choix dans ce qu'il fait. ils disent que l'être humain est forcé de faire ce qu'il fait. Donc ça c'est la voie de ce qu'on appelle Al-Jabriya. Jabriya, parce qu'ils disent que l'être humain est mujbir. Hein? Il est obligé de faire ce qu'il fait. Mujbar ou mujbir. Mujbar. Mujbar, c'est Mas'oub. وكلا المذهبين باطل les deux مذهب que ce soit القدرية ou الجبرية les deux sont faux لأدلة كثيرة à cause de beaucoup de preuves منها قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين à cause du verset par exemple parmi les preuves pour celui d'entre vous qui souhaiterait se mettre droit sur le droit chemin mais vous ne pouvez pas vouloir excepté si Allah سبحانه وتعالى a voulu. Donc dans ce verset-là, il y a la réfutation des deux sectes. Le cheikh va expliquer. Il y en a qu'au Ta'ala, « Liman sha'a minkum an yastaqim, yaruddu ala al-jabriya » Dans ce verset-là, donc quand Allah dit « Pour celui d'entre vous qui souhaite être sur le bon chemin », ça c'est une réfutation pour al-jabriya. Voici le verset-là. Là. Non. Non, parce que Allah il a affirmé « Liman Allah asbata lil-ibad mashi'a » Il a affirmé une volonté pour les êtres, pour les êtres, pour les créatures. Donc il a dit, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ Pour celui d'entre vous qui souhaiterait se mettre droit, sur le droit chemin. Si le Seigneur n'avait pas de volonté, Allah n'aurait pas affirmé que les êtres humains ont une volonté. D'accord? Donc ça c'est une réfutation des Jabriya, de la secte des Jabriya. Et après il dit, le chef il dit, وهم يقولون انهم مجبورون لا مشيئه لهم donc ça c'est la réfutation, ils disent que eux ils sont forcés à faire ce qu'ils font et Allah il a pourtant affirmé que ils peuvent choisir hein, ils ont une volonté. Sourate al-Takwir, sourate al-Takwir, je crois que c'est dans les deux derniers versets, quelque chose comme ça, ou bien c'est le dernier verset dans sourate al-Takwir. Après, il dit, le cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ مُسْتَقِلَّةِ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ. Donc, dans la deuxième partie du verset, il y a la réfutation des qadariyas, ceux qui disent qu'il n'y a pas de qadar. Et que toute chose, les êtres humains sont libres de faire ce qu'ils veulent et que ça ne se limite pas à la volonté d'Allah. Donc il y a une réfutation d'eux pour ça, parce qu'Allah il dit, vous ne pouvez pas vouloir excepté si Allah l'a voulu, le Seigneur des mondes. Donc ça, c'est, dans ça il y a l'affirmation que on est limité par la volonté d'Allah. Dans le même verset, Allah a réfuté les deux extrêmes de ces gens de Bid'a et de ces gens de Kufr, dans certains extrêmes parmi eux qui sont en dehors de l'islam. Et le cheikh il dit, « وَهَذَا الْقَوْلْ بَاطِلِ » Ceux qui disent que l'être humain est libre de faire tout ce qu'il veut et qu'il n'est pas limité par la volonté d'Allah, mais ça c'est une idée fausse. Mais comment il pourrait y arriver quelque chose dans l'univers excepté que ce soit par la volonté et par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que regardez, même une feuille ne peut pas tomber de l'arbre sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même une atome ne peut pas bouger, une poussière ne peut pas rien faire sans que Allah l'ait su, alors, et qu'il l'ait voulu. Donc ça veut dire comment un être humain va être capable de faire quoi que ce soit sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait su et l'ait voulu aussi. Hein? Donc le cheikh dit ça, c'est une fausseté, une idée fausse. لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه وربطها بها وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية فلم يفرطوا تفريط القدرية النفات ولم يفرطوا إفراط الجبرية الغلاة. Donc il dit que Allah a mis la volonté du serviteur et il l'a limité par la volonté d'Allah, et il l'a attaché à celle-ci. Donc, ça prouve que, il dit ça, c'est la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. On n'a pas exagéré comme Al-Qadariya qui ont nié, et on n'a pas exagéré de l'autre extrême non plus, pour ceux qui ont affirmé d'une façon extrême Al-Qadar. Donc, avant de continuer dans qu'est-ce qui reste, il nous reste seulement à expliquer la position de Ahl-Sunnah al-Jama'a dans le livre du chef au sujet des péchés et des actions qu'on fait, puis après d'expliquer les fruits qui ressortent de la foi en la prédestination, puis après ça c'est les six piliers de la foi seront terminés. Donc il nous reste juste trois pages, mais on va essayer d'avancer un petit peu dans quelques notes que j'ai tirées d'un livre qui s'appelle Wasatiyatu Ahli Sunnah Bain al-Firaq, c'est-à-dire le fait que Ahli Sunnah al-Jama'a est toujours entre deux extrêmes parmi les sectes. Et dans ce livre-là, c'est écrit par un des chouyoukhs, et il est un livre très intéressant. Hein. Et puis j'ai tiré de ce livre-là un résumé. Et puis c'est ça que je vais lire avec vous. Le cheikh il s'appelle Bakarim, mais j'ai oublié son prénom. Mais sauf que c'est comme le livre du cheikh qui a écrit Kun Salafiyan à la Jadda, eh ben dans son livre il nous incitait de retourner à ce livre-là, yani pour et puis moi-même je l'ai lu puis j'ai trouvé que il expliquait vraiment bien, mashallah. Donc le cheikh il dit les sectes qui ont divergé au sujet de Al-Qadar, c'est par exemple Al-Qadariya, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Shi'a, Al-Sha'ira, Al-Sufiya, Al-Maturidiya, Al-Akhiriya. Ça c'est quelques noms de certains groupes qui ont dévié au sujet de ça. هذه الفرق ضلوا في القدر وانقسموا إلى قسمين. Donc ces groupes-là ont dévié en ce qui concerne Al-Qadar en deux catégories. La première c'est Al-Qadariya dont on a parlé, ce qui nie Al-Qadar, et Al-Jabriya, ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de Al-Qadar. Et le cheikh, c'est une thèse de doctorat qu'il a fait, et le cheikh, j'ai écrit son nom, c'est Mohamed Bakarim, Ba'Abdillah. Mohamed Bakarim, Ba'Abdillah, c'est lui. Peut-être. C'est pas ça. Mohamed Bakarim, Ba'Abdillah. Bon, parce que c'est leur nom, ils ont des noms comme ça, avec le bas. Donc, les origines des gens là. Il y en a aussi des Sénégalais aussi. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est Sénégalais, ouais. C'est d'où ça vient. C'est comme Wolf, hein. Quand tu vois des gens qui s'appellent Wolf, Wolf, c'est tout de suite que c'est Bretagne, tu vois. Donc, Naam. Donc on va continuer. Non mais c'est comme tu dis Tremblay, tu vois. Ouais. Tu vois que c'est un Tremblay, c'est un Québécois, non? Bon, alhamdoulilah, vous comprenez. Alhamdoulilah. Van Horn. C'est des Allemands, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc c'est des exemples. Oui, Hollandais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ok, on revient les frères, Inch'Allah. Il dit, وَمَا نَازَعَ فِي الرُّكْنَانِ الْأَوَّلَانِ إِلَّا الْغُلَاتِ الْعِلْمُ وَالْكِتَابَةِ. Comme on a dit tout à l'heure, ceux qui ont exagéré, c'est seulement les extrémistes ou les extrémistes qui ont exagéré dans les deux premières conditions qu'on a parlé, c'est-à-dire la connaissance et l'écriture. وَنَازَعُوا فِي مَشِئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ. Donc ça c'est l'autre, les autres, parmi les autres gens de Bid'a, ils ont divergé en ce qui concerne la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance, et au sujet des créations, la création des actions des créatures, c'est-à-dire nos actions qu'on fait, et de dire qu'elles sont créées. Donc le chef dit, awwalan, il dit premièrement, الطرف الأول الجبرية. Premier exemple, premier groupe, c'est الجبرية. Les gens qui ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination au point de nier que l'être humain a une volonté et un choix. معناه, le chef dit معناه إسناد فعل العبد إلى الله. قال الشهر الثاني نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله وهم صنفان. جبرية خالصة وجبرية متوسطة. Donc il dit que la signification de Al-Jabriya, c'est d'attribuer l'action du serviteur à Allah. Donc, il dit que l'action qu'un être humain fait, tu l'attribues à Dieu. Ok? Donc, par exemple, quand je frappe Mukhtar comme ça, et là je dis, c'est Dieu qui a frappé Mukhtar. Voilà, ça c'est l'exemple de Jabriya. C'est une des façons comment les Jabriya l'interprètent. Et Cheikh Thani, il a dit, c'est de nier l'action réellement en ce qui concerne l'être humain et de l'attribuer à Allah. Hein? Donc il dit, c'est pas l'être humain qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Tout ce qui arrive, il dit Dieu l'a fait. Et ça, c'est deux. Ça c'est Jabriya et c'est deux. Ils sont divisés en deux catégories. Un Jabriya tun khalisa, c'est-à-dire une Jabriya pure et une Jabriya mutawassita. Une Jabriya intermédiaire. Il y a un groupe qui est pur et un autre qui est intermédiaire. On va voir c'est qui les deux. Le cheikh dit Al-Khalifa, c'est qui? La tusbitu lil'abd qudra ala al-fi'l aslan. Ka Jahm ibn Safwan wa Sufiya al-Hululiya wa ahli wahdat al-wujud. Donc les gens qui sont les Jabriya pur, c'est ceux qui disent que l'être humain n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit à la base. Comme Jahm ibn Safwan al-Jahmiya. Wa alaykum salam wa rahmatullah, et al-Sufiya al-Hululiya et al-Wahdat al-Wujud. Ceux qui disent que les soufis, parmi les soufis, il y a des groupes qu'on appelle Hululiya. Et Hululiya, c'est ceux qui croient que Dieu entre dans l'être humain ou dans certains êtres humains. Hein? Quand les êtres humains deviennent à un niveau de piété, ils sont capables d'entrer en eux. Hein? Et c'est un peu comme les chrétiens qui croient que Dieu est rentré dans Jésus, dans Isa. Okay? Et un autre groupe parmi les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, c'est-à-dire l'unité de la création, que tout ce qui existe est Allah, et que Allah est tout. D'accord? Donc ça c'est une des croyances de ces gens-là. Donc ça c'est ceux-là qui sont Al-Jabriya Al-Khalifa. Ils attribuent tout ce que tu fais, ils disent que c'est Dieu qui le fait. D'accord? Et parmi les arguments qu'ils utilisent, il y a par exemple le fait qu'ils utilisent le verset dans lequel Allah dit وَمَا فَلَمْ تُقَاتِلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Donc ils disent par exemple le verset dans sourate Al-Anfal, dans lequel Allah dit, et ce n'est pas toi qui a lancé, parce que tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Tu vois? Et il dit ce verset-là. Et Ibn Taymiyyah, il a récité ça, il dit, وَهَذَا قَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا, c'est-à-dire, il répond, ça c'est dans sa récitation à Al-Bakri, sur Rad al-Bakri. Un soufi qui s'appelait Al-Bakri, et lui, il défendait qu'on a le droit de demander l'intercession des morts, puis d'invoquer les morts et de demander par le statut du prophète et le statut des saints, etc. Donc Ibn Taymiyyah l'a récité, et parmi les choses qu'il a récité, c'est cette idée-là. Il dit, le cheikh dit, وَهُوَ قَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي تَوْهَمَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجُهَّالِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضِفُ الرَّمِي هُنَا إِلَى نَفْسِهِ لمجرد كونه خالقا لأفعال العباد، فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أفعاله غير الرمي، وبين رمي وغيره من الناس، وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم. Donc Ibn Taymiyyah il reflète son idée en disant que cette idée là, c'est il y a un groupe parmi les ignorants qui l'ont précédé à cette idée-là qu'il a eu. Et le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas attribué le fait d'avoir lancé les pierres, ça c'est dans la bataille de Badr. À la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de poussière dans ses mains, et puis il a lancé vers l'ennemi. Mais il était très loin. D'accord? Mais malgré ça, les poussières qu'il a lancées ont atteint les yeux des mouchriquins. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, Ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas attribué cette action-là à lui-même, uniquement parce qu'il l'a créée. ou parce qu'il a créé les actions des serviteurs, parce que sinon, il n'y aurait, il n'y a aucune distinction entre le lancer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas, Allah a pas seulement créé la lancée ce jour-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a créé toutes les autres actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a créé toutes les actions et le lancer des autres sahaba et des autres ennemis, même des kuffars et des mushrikins, et il a également créé les autres actions de toutes les créatures. Donc, il n'y a aucune spécificité dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé pour dire que parce qu'Allah a créé les actions des serviteurs, que ça c'est une chose qui fait que Allah l'a, se l'est attribué à lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est clair? Ok, répétez-moi ce que je viens de dire, pour voir si vous avez compris. Ok, attendez. Ok, non, je vais vous expliquer. Ces gens de Bid'a, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est pas toi qui a lancé, lorsque tu as lancé, mais c'est moi qui a lancé. Que c'est Allah qui a lancé. Allah, il dit, c'est Allah qui a lancé. Donc, eux, ils disent que Allah, il a attribué à lui-même parce que c'est lui qui a créé l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est, mais là, je vais me demander, est-ce que c'est seulement cette action-là que Allah a créé du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il a créé toutes ses actions. Et est-ce que c'est seulement le lancer du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a créé ou bien le lancer de tous les autres? Tous les autres. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est la première introduction, c'est-à-dire la première étape, comment Ibn Taymiyyah le réfute. Après, il dit, إِذْكَانَ فَإِنَّ أَفْعَالَ الْعَسْكَرِينَ يَوْمَ بَدْرِ خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا خَلَقَ سَائِرِ أَفْعَالِ الْحَيَوَانِ. Allah, il a créé les actions des armées, des combattants ce jour-là, le jour de Badr, comme il a créé toutes les actions de tous les autres animaux et toutes les autres créatures vivantes. D'accord? Le cheikh il dit par la suite, وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالْ إِنَّ اللَّهَ رَمَى لِكَوْنِهِ خَلَقَ حَرَكَةِ الْعَبْدِ لَقِيلَ إِنَّهُ يَفِرُّ وَيَصُومُ وَيَطُوفُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Si on pouvait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a lancé, parce que c'est lui qui l'a créé l'action du serviteur, alors on pourrait dire également que Allah s'enfuit, jeûne, fait le tawaf, etc. Tu vois? Parce que également Allah a créé ces autres actions-là. Par exemple, Allah a créé le fait qu'on mange. Donc ça voudrait dire qu'Allah mange. Hein? Ou d'autres implications, et ça, ce serait. Oui, ça nous rêve beaucoup d'autres choses. C'est comme si, il dirait comme si, par exemple, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Donc tu pourrais remplacer ce verset, tu pourrais remplacer n'importe quel autre verbe. C'est pas toi qui as mangé lorsque tu as mangé, mais c'est Allah qui a mangé. Est-ce que ça ferait du sens? Mais c'est Allah qui a créé l'action de manger, ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait, d'accord? Donc eux, ils ont, Sophie, ces gens-là, ils ont exagéré dans l'interprétation de ce verset. En fait, ils ne l'ont même pas compris comme il faut le verset. Et là, Ibn Taymiyyah, il explique maintenant. Il dit, ثُمَّ قَالْ وَالْرَمْيُ لَهُ طَرَفَانْ حَذْفُ النَّبِي بِالْمَرْمِ وَوُصُولُهُ إِلَى الْعَدُوِ وَنِكَايُهُ فِيهِمْ. Donc, il dit, il y a deux aspects à ce lancer-là. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lancé, ok, qu'est-ce qu'il a lancé, les poussières qu'il a lancées. Et deuxièmement, il y a un autre aspect, un autre côté, c'est qu'il a fait atteindre ce qu'il a lancé aux ennemis. Hein, il a fait que ce qu'il a lancé a atteint les ennemis. Donc, ça c'est la premièrement, il faut comprendre ça. Il y a deux aspects. Il y a le lancer, que le professeur Hassan a fait, et il y a le fait que ça atteint l'ennemi. D'accord? Après, le chef, il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأول والله فعل الثاني. C'est-à-dire, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la première partie, c'est-à-dire, il a lancé. Et celui qui a fait que les poussières atteignent l'ennemi, malgré la grande distance, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça nous aide à comprendre le verset dans son sens réel. Donc le cheikh il dit, وَالْمَعْنَى وَمَا أَوْصَلْتَ الرَّمِي إِذَا حَذَفْتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَوْصَلَهُ وَهَزَمَهُمْ بِهِ. Donc, il dit que la vraie signification du sens de ce verset, c'est pas toi qui as fait atteindre ce que tu as lancé lorsque tu l'as lancé, mais c'est Allah qui a fait que ce que tu as lancé les a atteints, et à cause de ça, vous les avez écrasés, vous les avez combattus. Ça, c'est la vraie signification de ce verset. Et puis après, il dit, فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي نفاه عنه. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour le prophète, c'est-à-dire le fait qu'il a lancé, c'est une autre chose que ce qu'il a nié. Hein? Donc, quand il a dit, on a rameita, ça c'est la négation. Et rameita, là, après, il a affirmé qu'il a lancé. Tu vois? Donc, ce qu'il a nié, c'est pas la même chose que ce qu'il a affirmé. Ça, c'est l'importance de comprendre. Le premier, qu'est-ce qu'il a nié, c'est le fait d'avoir atteint les ennemis. Et le deuxième, l'affirmation, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement lancé. C'est lui, réellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le geste. D'accord? ولكن الله رمى. ثم قال لو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله ممن يحتج بهذه الآية على الله على أن الله خالق أفعال العباد ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتجوا بهذه الآية ولو كان المراد كما قالوا لساغ أن يقال مثل هذه في جميع أفعال العباد فيقال وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب وما أكلت إذ أكلت إلى آخره. الصفي باطل. Donc le cheikh il dit que ce verset-là n'est pas du tout une preuve en leur faveur, hein, et en réalité ils se ridiculisent en utilisant des arguments pareils, et s'ils devaient l'utiliser, en réalité ils devraient l'utiliser pour tous les autres verbes que l'être humain est capable de faire, comme c'est pas toi qui as mangé lorsque tu as mangé, mais c'est Allah, etc. Des choses différentes. Et ça c'est absurde et c'est bâton. Donc ça c'est une des façons comment on réfute cet argument-là. Ça, c'était pour Al-Jabriya Al-Khalifa. Maintenant, Al-Jabriya Al-Mutawassita, il dit « Asbatu kudratan ghayra mu'assira wa hum al-asha'ira ». C'est-à-dire, ils ont affirmé qu'il y a une capacité, un pouvoir, mais ce pouvoir-là qu'il a n'a pas d'effet. Wa alaykum salam wa rahmatullah. N'a pas d'effet. Et ils ont appelé ça Al-Kasb. Hein? ومع كونها خلق فهي كسب للعبد. C'est ce que Allah il dit que Allah l'a créé, mais que c'est un casque pour l'être humain. Et ça fait partie des absurdités qui ont été inventées par les Asha'ira, c'est-à-dire la notion de casque. Demandez à certains Asha'ira de vous l'expliquer, et puis ils vont avoir de la difficulté eux-mêmes de l'expliquer, parce que c'est quelque chose d'absurde. Ils disent que, bon, d'après ce que j'ai lu dans qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est comme si entre la cause et l'effet, c'est le lien entre les deux, mais qui n'a pas d'effet. Donc, en réalité, c'est, comme on va voir, en fait, c'est comme s'ils affirmaient une capacité de l'être humain, mais ils disaient que cette capacité-là n'a pas d'effet elle-même. Donc, comme le chef, il dit, Al-Qudra, الغير المؤثرة كعدمها. Le fait d'affirmer une capacité qui n'a pas d'effet, c'est comme si tu ne l'affirmais pas, la capacité. Donc c'est pour ça qu'ils font partie des Jabriyah. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On va passer maintenant à une autre partie, c'est Al-Qadariyah maintenant. الطرف الثاني Al-Qadariyah, وهم المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة وقولهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله وأن الناس donc eux ils disent que les créations des serviteurs n'est pas créée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est les hommes qui font eux-mêmes leurs actions sans que ce soit Allah qui les crée. Et Ahlul Wafat, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, ils sont entre les deux extrêmes de ces groupes-là, entre les Jabriya et entre les Qadariya. C'est-à-dire entre les Jabriya qui nient que l'être humain a une capacité, une volonté et un choix, et entre les Jabriya, entre les Qadariya qui nient que l'être humain a une a été prédestiné et que ce qu'il fait a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit أهل السنة والجماعة نقول في أفعال العباد هي مخلوقة لله على الحقيقة وهي فعل العبد على الحقيقة والعباد قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل منهم والله هو الذي أقدرهم على ذلك. Donc, voici notre position à nous, أهل السنة والجماعة, en ce qui concerne la création des actions des serviteurs. On dit que les actions qu'on fait, elles sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et l'action qu'on fait, c'est réellement notre action à nous. Et les serviteurs, c'est-à-dire les êtres humains, ils ont la capacité de faire ce qu'ils font avec une capacité réelle qui a un effet dans l'action qu'on fait à nous. C'est pas comme al-Asha'ira qui disent que on a une capacité mais qui n'a aucun effet. Wallahu huwa alladhi aqdarahum ala dhalik. Et c'est Allah qui nous a permis, qui nous a donné la capacité de pouvoir faire ces actions-là. Na'am. Donc il dit wa qawlu ulama as-salaf al-a'imma fi dhalik. Yani qu'est-ce que les imams des salaf ont dit à ce sujet-là? Il dit qala al-imam as-Sabuni ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله ولا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى والدين الحق من ينكر ذلك. Donc l'imam al-Sabuni, celui qui a écrit à Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith, parmi les ulama des salaf, il dit, parmi les paroles ou les positions de أهل السنة والجماعة, c'est qu'on doit dire que les actions des êtres humains sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne doute pas là-dessus. Et ceux, et ils considèrent, Ahl-Sunnah considère que ceux qui nient ça ne font pas partie des gens de la guidance ni des gens de la vérité. Voilà. L'imam Allah al-Aka'i, Imam al-Lalakai, dans son livre Sharh Usul i'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il dit أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها. نعم. Donc il dit, l'imam al-Lalakai, les actions des êtres humains sont toutes créées par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit leurs obéissances ou leurs désobéissances, elles sont toutes créées. وقال ابن تيمية رحمه الله أما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة يقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون هو نفس فعل الله فيفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. Donc Ibn Taymiyyah il dit, la majorité des gens d'Ahl al-Sunnah et ceux qui suivent les salaf et les imams d'Ahl al-Sunnah, ils disent tous que les actions des êtres humains sont leurs actions réellement. Mais elles sont créées par Allah et c'est Allah qui leur fait faire, qui leur donne la promotion de le faire et la capacité de le faire. Et ils ne disent pas que ce qu'ils font c'est Allah lui-même qui le fait, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, on fait la différence entre la création et la créature, et l'action et ce qui est fait, ce qui est fait. Le fait ou le maf'oul? Expliquez ça en français. Le maf'oul. Ce que Allah nous fait faire. Il reste combien de temps avant la fin là? 10 minutes? 20 minutes. Donc, on va arrêter ici, inshallah. عليكم السلام ورحمة الله في أفضل كنتي إلى سنة بخشان بإذن الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه منه.